بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. أما كتاب الإبانة فالأخطاء فيه واضحة، وانظروا يا إخواني للرفق الذي أرفق به. لما خرج الكتاب كتبت له مطوية قرأوها بالله، ألا ترون أني مرفق به وأن الكتاب فيه أخطاء، ومع ذلك أكتب يعني إلى الشيخ محمد وأذكره بكلام طيب ثم أنصحه وما إلى ذلك، وبعد هذا يعني إن كان عندي نصيحة يطلب مني أن أقولها له، وكل هذا كل طرح راح أدراج الرياح يوزع الكتاب بغير ما ألغى فيه من الأخطاء. ثم ذهب إلى الشيخ ربيع ويدعي أنه قدم الكتاب على ما فيه، ثم نصح الشيخ ربيع أن يلغي ما في الكتاب من أخطاء وما زال يوزعه على ما فيه. يا أخي إصرار على الباطل، بل يخرج الطبعة الثانية بأجرها وبجرها ويوزع ما فيها وهي تضر الدعوة. أنكرنا شيئا نراه يضر دعوتنا. شيخ ربيع دي أن الكتاب نعم يوافق الأصول الحلبي، بل dans la cise qu'on verra il a dit il y aura le kitab. Le kitab il doit être annulé. Il revient dessus, il l'annule, on ne le propose plus. Hein. Est-ce que tu vas annuler un kitab qui appelle au minhaj salafi? T'as pas le droit. T'as annulé un kitab et t'as interdit de le propager, il y a un kitab qui appelle au dhalal. Tout ça, chérie, ses élèves l'ont dit. Les madames, vous n'avez pas accepté le haq au départ. Parmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala. Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nabda vi tanaqud al-thani. Après avoir cité les tanaqudat de Cheikh Ubayd al-Jabiri, que ce soit Masalat al-Jami'a ou Masalat Aqrab Ta'if il al-Haq ou autre, on a vu Wallahi al-Hamd en détail. On passe à deuxième Masala, Wahiya Hawl Kitab al-Ibana, le Cheikh Mohamed al-Imam. Wa qabla dhalik, on répète et on répète anna man radd al-Haq. Il est à la khatar. Le ta'assoub, ce n'est pas une excuse. Le taqlid, ce n'est pas une excuse. On prend l'exemple de la jami'a l'islamiyya. Celui qui veut le haq, il est wadih. Cette masala a été détaillée avec des redoutes. La yajouz lak, ta ta'assoub. Un des deux côtés, la yajouz lak. Au départ, tu penses que c'est fulan qui aura forcément raison. Là, celui qui a raison, c'est celui qui a dali. Celui qui a raison, c'est celui qui a la haq, il ne se contredit pas. Celui qui a raison, c'est celui qui appuie sa parole avec Al-Kitab al-Sunnah et la compréhension des salafs. Walaou, il est plus jeune. Walaou, il est seul. Hada. Ça, c'est muhim. Jiddan. Et on rappelle la parole de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Man radda al-haq, talahu Allahu bi qabul al-batil. Et ça, c'est une règle. Kalam min majmou' al-fatawa. Man radda al-haq, ابتلاه الله بقبول الباطل. Celui qui rejette le haq, بعناد, il sait, il peut comprendre, rechercher, lire, لكن il le rejette تعصبا, تقليدا, حقدا, حسدا. فهذا الله سبحانه وتعالى l'éprouve بقبول الباطل. Et tu le vois, والله بعض الناس زاد على خير جدا. Ils appellent au haq. ثم ils ont rejeté le haq في مسألة. Et ils se sont entêtés. Allah subhanahu wa ta'ala btalahum bi qabul al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés, ils acceptent le batil et ils rejettent le haq. Et ça devient leur habitude. Et ils s'égarent. Kadhalik, on répète, on cite la parole de Cheikh Rabi' waffaqahullah, min sifat al-haddadiyya, قال, parmi les sifat de haddadiyya, annahum idha ittahamu shakhsan bi shay. ليس فيه ألصق عليه هذه التهمة ولو أي ولو إلا رجل. هذه من صفات الحدادية. إنه إذا سيد كل إن شوز على إن بيرسون ولو سيد بيرسون إل ميم إل رجل. إل دي لا. بخون ليكزومبل دو أقرب الطوائف إلى الحق. Cheikh Ubaid, il cite un Cheikh Yahya, il dit un Ahl al-Sunnah, ils ne sont pas à la haq. Cheikh Yahya, il rad, il lui montre un Aqrab, c'est min Af'al al-Tafdil. Et il lui montre, Kalam ibn Kathir, il lui cite Kalam al-A'imma Kathir. Thumma, il lui montre un je dis un Ahl al-Sunnah, ils sont à la haq. Lakin, c'est un ta'bir, il est dans le Coran. Af'al al-Tafdil, ma'rouf. La ayah qu'il a cité Ibn Kathir avec l'explication, on ne va pas répéter, ma'rouf. Ma'a hadha la, ils essayent de coller à Cheikh cette tourma. Kadalik, ma salat sahab. Un Cheikh il montre, là, j'ai pas dit ça. Et il montre son amour pour Sahaba, son divin, les Sahaba, le jihad contre le Rawafid. Ça prouve hada. Lakin ma hada la. Ça, c'est une sifat al-haddadiyya. Et celui qui a cette sifa, il est à la khatar. Walou, il prétend être avec Ahl al-Ilm. Walou, il prétend Foulan, il a dit, là, il me fait. Inde Allah, subhanahu wa ta'ala, tu rendras des comptes. Alors, nous, on répète tout ça par rapport aux masaïls qui sont passés, que ce soit le jami'a, que ce soit Aqrab Ta'if il al-Haq. Que ce soit toutes les tanakoudat qu'on a vu, la personne yelzam l'insaf. La personne telzam al-sidq. Et l'essentiel et le but c'est le haq. Et si on peut se rassembler sur ce haq, ni'ma. Et si des personnes ne veulent pas ce haq, accroche-toi en ta. Et Allah, ils te feront aucun mal. Abadan. La tartarbi hanjamad wa'ad al-nas. Ils ont dit, ils vont faire. Abadan. Fait qu'à la haq, c'est lui, al-mansour. Et celui qui a l'al-batil, il est fait d'aïa. Voilà, oui, ils sont plusieurs. La yadurhad. Ça, c'est muhim. On passe à la deuxième mas'ala. Par rapport à Kitab al-Ibana. Al-Ibana. Kitab ma'ruf. Et le titre complet, c'est l'Ibana an kayfiyat al-ta'amul ma'al khilaf bayna ahli sunnati wal jama'a. C'est un livre, il explique comment se comporter face au khilaf entre Ahl al-Sunnah. La haqiqa, ce livre il a été écrit par rapport à la fitna d'Abd Rahman al-Adil. La haqiqa, ce livre il a été écrit pour contrer le hukm de Cheikh Yahya, anna Abd Rahman al-Adani c'est un hizbi. Falihada qal bayna Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et ce livre, comme ça yati, wafaqa usul Ahl al-Bida'. Yati ma'ana, kalam Ahl al-Ilm. والشيخ يحيى حفظه الله تعالى لما خرج الكتاب 1431 تقريبا فالشيخ يحيى تكلم quand il est sorti le kitab directement ils lui ont donné une nuskha on était à Dar al-Hadith idammaj et il a parlé وفقه الله فقال الرسالة أي الإبانة نظير رسالة رفقة أهل السنة بأهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد وفق الله الجميع رفقا أهل السنة بأهل السنة رسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى إلى إكري pendant la fitna de أبو الحسن تعلمون أنه une grosse fitna الشيخ يحيى a parlé sur أبو الحسن أبو الحسن l'a critiqué المشايخ الشيخ ربيع il a critiqué أبو الحسن a fait une fitna des personnes qui étaient à la khir ils se sont égarés تعصبوا لأبو الحسن الشيخ العباد حفظه الله تعالى Il a écrit cette risala pour conseiller Al-Jami'a. Et avoir de la douceur, on est tous des frères, mais là, le sunnah. Il a fait une bonne niya, Havidahullah. Lakin, Al-Haqiqa, Abu al-Hassan, c'est un mubtadi', c'est un tab. Et Al-Ulama, ils ont critiqué cette risala de Cheikh Al-Abbad. Et ils lui ont démontré Anna Abu al-Hassan, c'est un mubtadi'. C'est un mubtadi', et il a hukm al-mubtadi'a. Min hajj wa tark ila akhir. قال الشيخ يحيى وقد رد الشيخ نجمي رحمة الله عليه على رسالة الشيخ العباد ردا جميلا نعم parmi les ulama qui ont démontré cette risala il y a des choses à revoir منهم الشيخ نجمي رحمه الله il a écrit un rad sur الشيخ العباد sur sa risala الشيخ يحيى الآن il montre أن الإبانة c'est la même chose Sauf le titre, il a changé, et le mubtadi', il a changé. Abu al-Hassan, c'est Abd al-Rahman al-Adani qui s'est égaré ba'da. Cheikh al-Imam, il a écrit al-Iban. Hada, c'est la même chose. Qala, amma risalat akhina. On est daiman fi kalam Cheikh Yahya. Amma risalat akhina, Cheikh Mohammed al-Imam, waffaqahu Allah. Kalam birifq. Ceux qui prétendent que Cheikh Yahya n'a pas de rifq. Même après l'Iban, Cheikh Yahya, il sait que c'est un livre qui appelle à des fondements. Qui ne sont pas d'Ahl al-Sunnah, des fondements graves. Lakin, يلازم الرفق. لهذا قال أخينا الشيخ محمد الإمام وفقه الله: فممكن أن يقلبها علينا كل من يدعي السنة، الإخوان المسلمون أو القطبية أو أبو الحسن. صحيح. كم ils ont fait أهل البدعة ils se sont servi de رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة. تعلمون أن أصحاب أبو الحسن à cette époque 1423 il y a plus de 10 ans là, أنهم يبروباجي cette رسالة جدا. Et ils essayaient de montrer aux gens on fait partie d'Ahl al-Sunnah. Cheikh Al-Abbad قال et propagé cette risala, elle a été propagée jiddan rifqan Ahl al-Sunnah bi Ahl al-Sunnah. كذلك des autres mubtadi'a l'ont propagé. Et ils ont essayé de démontrer anna Cheikh Rabi', Cheikh Yahya et autres, ils ont du rouleau. Ils ont du rouleau et Cheikh Al-Abbad il leur montre qu'il faut aller avec douceur. Et en fait al-Mizan c'est manhaj al-Salaf. Al-Mizan c'est le Coran et le Sunnah. Celui qui خالف المنهج القرآن والسنة منهج السلف نعم إلى جغلو أو جتميع. أما خالف la رسالة d'un savant ربما tu la خالف بحق. Comme les ulama ils ont خالف الشيخ العباد par rapport à cette مسألة رفقا أهل السنة بأهل السنة. كذلك رسالة الشيخ الإمام هداه الله الإبانة. كذلك الشيخ يحيى إذا au départ dès qu'il est sorti libre il a الشيخ يحيى il a étudié le livre de الشيخ الإمام. Et il a comparé avec le livre de Cheikh Al-Abbad et il savait que ça allait faire la même chose. Al-Tariq yu'id nafsa. Et il a démontré que l'Ikhwan, Al-Qutbiya, Abu al-Hassan, Ashab al-Hassan, Ashab al-Halabi, Al-Dhal, Al-Munharif, ils vont se servir du livre. Et ils vont dire, Ndoro, vous exagérez, même ce shir qui est avec vous, Mohammed l'Imam, il démontre ça. Wa sadaqa al-shir, waffaqahu Allah. Kam min Munharif, kam min Hizbi, يدني على هذا الكتاب et il propage ce kitab. Est-ce qu'un munharif, un hizbi, il va propager des règles du minhaj salafi qui montrent son égarement? Abadan. فلهذا هؤلاء que ce soit أصحاب أبي الحسن أو أصحاب الحلبي أو أطر من الإخوان المسلمين ils combattent علماء السنة et les livres d'Ahl al-Sunnah. Ils combattent les annas, ces livres et ce savant, ils montrent son égarement. Al-An, vous allez voir, on va dire certains kalams de Ha'oula, Al-Munharifa, Abdullah, sur Kitab al-Imana, et vous allez voir, en fait, le Kitab, il est plus proche d'eux que d'Ahl al-Sunnah. Qala Ahad, Ashab Abil Hassan, Al-Munharif, et tout, c'est à quoi qu'on va citer, Naqalaha. أخونا يوسف الجزائري في مصباح الظلام سرد على كتاب الإمام على كتاب الإبانة سيأتي معنا سينقلات إلى ذاستي على فهم ومدخلنا الليبر الليبر هذا أهل السنة سيختان بأهل السنة إلى غجوتي بعضهم اغتر به أهل البدعة الحزبيون إلى أكسدي الحقيقة ساسا مونتك الليبر إلي با إلي با على عقيدة ومنهج السلف أبدا. الرسالة أي بعض الإبانة تعيد حرفيا ما في الدفاع عن أهل البدع للشيخ أبي الحسن. هذا المبطل إلى كتاب الإبانة يدي أن هذا exactement le même livre que الدفاع عن أهل البدع livre de أبي الحسن. C'est exactement le même. قد يقول قائل à cette étape là, Wahed, s'il nous écoute, il peut dire comment tu t'appuies ton argument avec la parole d'un munharif. Nous, on va étape par étape, on va citer kalam khasatan Cheikh Rabi', لأن هؤلاء khasatan au début de l'Ivana, le nom de Cheikh Rabi' il était écrit sur la couverture. Et quand Cheikh Yahya a parlé, ils ont dit. Et c'est ça la contradiction. لهذا نحن ne va pas faire un rat sur l'Ivan الآن. Là. الآن نحن c'est la contradiction. On cite étape par étape pour arriver à cette contradiction qui est أنهم eux ils ont dit Cheikh Rabi' il est sur le livre. Pourquoi vous dites que le livre c'est un livre de comme Abu al-Hassan, comme Ali al-Halabi, c'est un livre qui appelle al-Bid'a. Et ils ont dit Cheikh Rabi' il a approuvé le livre. الآن nous on lit ce kalam قد يقول قائل comment tu lis kalam أصحاب أبي الحسن. On va lire exactement le kalam de Cheikh Rabi', il dit exactement ça. Il dit anna al-ibana وافق أصول الحلبي. الحلبي سام منحرف. الحلبي أبو الحسن بظلم منهج فهذا. لكن وصيتها هنا حتى لا أحد يستعجل لماذا لماذا. سيأتي معنا الكلام. Et nous, ce genre de dros, on conseille à ceux qui écoutent, ils écoutent le dars entier. La narubama, t'écoutes une partie, t'as pas compris, et t'as donné, on a voulu dire telle chose ou telle chose. Là, celui qui écoute, il écoute tout. T'écoutes du premier dars à la fin, dans l'ordre. Hatta ta femme. Et nous, ce genre de dros, c'est une fitna. C'est des contradictions. Pour comprendre la contradiction, tu dois suivre du début à la fin. Ama, tu viens à la fin, t'as écouté qu'une partie, tu peux pas comprendre la contradiction. Tu sais pas la chose qui est contredite. Hada, c'est muhim. Et ça, c'est muhim. De tout écouter, tout lire pour comprendre. On revient à Adal Kalam. Qala wa kadha risalat al-Sheikh al-Abbad rifqa l'ahle sunna bi ahle sunna. Kadhalik, un savant de la sunna, il a démontré hada. Qad yaqul qa'il, tu cites des kalams d'Ashab ibn Hazal. On lui a dit, on répond à Sheikh Rabi' kadhalik, il va démontrer hada. On sait Sheikh Rabi' l'anahum, eux ils s'accrochent à Sheikh Rabi'. Amma nahnu, on sait que Sheikh Yahya, il a démontré le premier jour. Et celui qui montre un haq, c'est haq. C'est pas obligé que ce soit Sheikh Fulan qui démontre. Lakin, Inch'Allah, c'est pour fermer les portes. Ba'd al-Nas, da'iman, ils prétendent suivre Fulan. Haqiqa, ils suivent Al-Hawa. Qala rifqana al-Sunnah bi al-Sunnah wa risalat al-Nasiha li Sheikh Ibrahim al-Rahili wa kitab al-Sheikh Ali al-Halabi manhaj al-Salaf al-Salih. Haqiqa, hada al-Rajul, hada al-Hizbi, munharif. Il a cité tous les livres qui ont fait des fitaines ces dernières années et il a démontré le livre de Cheikh l'Imam, c'est le même. Et c'est kalam haq. C'est kalam haq. Voilà, c'est un munharif qui a dit ça, c'est kalam haq. Et Cheikh Yahya l'a démontré le premier jour, Cheikh Rabi' va le démontrer après. Kitab Abul Hassan, Ad-Difa'an Ahlul Bid'a, Kadalik, Al-Siraj Al-Wahhaj, il a appelé à ses règles Batila. C'est des règles qui combattent ulama sunna, qui combattent ulama jarh wa ta'dil khassa. Kadhalik kitab an-nasiha. Amma kitab Cheikh Al-Abbad, c'est un savant de la sunna. Il a une bonne niya et son livre, tu peux comprendre et tu comprends annahu, c'est une défense à Abul Hassan. Abul Hassan, c'est un égaré. Cheikh Al-Abbad, ouais, il a pas vu que c'est un égaré, lakin man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Et son livre, كثير من اهل الباطل l'ont utilisé. فلهذا الشيخ نجمي رد عليه. اما شيخ العباد سنصمد السنه. رسالة النصيحة للشيخ ابراهيم الرحيلي والله elle est moins grave que l'Ibane. اولا elle est plus courte, il y a moins d'usul, elle a fait moins de fitna. مع هذا كثير من الناس ils ont combattu la risala et le mu'allif. نحن la contradiction va en venir الان. Pourquoi Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, il a rad sur un grand savant, Cheikh Al-Abbad, et sur Risala. Les ulama, ils ont rad sur Abul Hassan, par rapport à son appel à la bid'a. Ils ont rad sur Ibrahim Ruhayli, bihaq. Ibrahim Ruhayli, il s'égare de jour en jour, ma'rouf. Et son livre, An-Nasiha, hada, c'est un livre de tamir. Et raddu alayhi, bihaq, jazakumullahu khayr. Kadalik, kitab Ali al-Halabi. Ama kitab Ali al-Halabi, ma'rouf, la fitna que ça a fait, raddu alayhi, bihaq. لماذا الآن لليفر دي الشيخ محمد الإمام سلام يمشوز ما يردون سسالة كيسو كونسبوز قد يقول قائل كما سيأتي معنا تبابغ دو شوز الآن إما واحد إني يجي لا كتاب شيخ الإمام سيبا لا ممشوز ونضع لبخوف إكس لا ممشوز إما إلا أكسب سيل دوزيام بوان إلا بالغوة سو كونتردير بل كتاب شيخ الإمام الآن إلي بلو غراب لماذا لأن سو جور دو كتب كساسوا سيد علي الحلبي إبراهيم روحيلي. Ils sont connus عند السلفي. La plupart des salafis connaissent et rejettent ces livres. لكن الآن كتاب الإبانة خاصة avec les مقدمة avec le tapage qu'il y a eu autour du livre, il s'est propagé جدا. ففي هذا الحال النصيحة أوجب. لكن قدر الله ما شاء الله. ولله الحمد celui qui veut le haq, des redoutes ils sont sortis sur l'Ibana, des redoutes طيبة, et celui qui veut le haq, فالحق il est واضح. قال آخر من أصحاب أبي الحسن لقد اسمع على كلام الآن. قال لقد سر وفرح كثير من الكرام بكتاب شيخنا الفاضل محمد الإمام. فس مبتدع من أصحاب أبي الحسن. يجي on a été heureux, content et beaucoup de nos frères ils ont apprécié le livre de notre شيخ الفاضل محمد الإمام. Allah, en حقيقة ce genre de témoignage ça doit ouvrir les yeux. أن هؤلاء ils ont combattu الحق, ils combattent الحق إلى الآن, ils combattent علماء السنة, ils combattent les règles du منهج السلفي. فكيف الآن ils sont contents, cette joie الآن qui décrit هذا المنحرف, la sortie كتاب محمد الإيمان. لماذا؟ لأن ce livre il appuie ce sur quoi ils sont leur manhaj. Combien de livres ils sont sortis de Sheikh Rabi', de Sheikh Najmi, de Sheikh Yahya, de ulama al-Sunna? Ils n'ont jamais fait tout ce tapage à Oula. لماذا؟ لأن الكتاب فيه شيء. الشيخ يحيى هذا مدخل أول يوم قال أما رسالة تقينا شيخ الإمام فممكن أن يقلب علينا كل مبتدع أو كل من يدعي السنة كالإخوان قطبية أصحاب الحسن. الآن لي أصحاب الحسن فقط ماذا يقولون؟ الآن ils vont reprocher علماء السنة, ils vont dire لماذا vous acceptez كتاب de l'imam et vous rejetez les autres, c'est les mêmes. هذا قال إلى سيتي لنوى الإبانة ثم قال وتم نشره والترويج له في عدد من المنتديات السلفية المعتدلة. Il est content الآن هذا المنحرف, il dit أن ce livre الإبانة الحمد لله il s'est beaucoup propagé, il a été imprimé, édité, كذلك il a été propagé dans plusieurs forums salafi معتدلة, avec des forums salafi justes qui n'ont pas de relou. Parmi ces forums, les forums de Ali al-Halabi al-Munharif, les forums de Abi al-Hassan, etc. معتدلة. هذا لأن الليف والحقيقة إلى أن أكور avec leur أصول. ثم قال والناظر في حقيقة الكتاب وما يحمله من قواعد وتأصيلات يراها قد طرقت كثيرا وكتب فيها مرارا. نعم هذا صحيح. celui qui étudie le livre de Cheikh Imam, حقيقة il y a des autres livres qui ont été écrits avant qu'ils appellent à la même chose. Il les a cités le premier munharif. كتاب أبي الحسن, كتاب الرحيلي, كتاب علي الحلبي, etc. قال فعلى سبيل المثال السراج الوهاج في بيان المنهاج. الشيخ ربيع رد على هذا الكتاب للشيخ أبي الحسن, كذلك الشيخ يحيى السراج الوهاج ردوا عليه, فيه تميع واضح حقيقة لإبانة سين كوبي دو سوليف سوف كلا شانجي لامني دي زوت نقولات دو سرطان سافان إلا شانجي لأبواب أما المعنى سلمم إلا بيت سلمم. قال فلماذا صار اليوم, انتبه الآن لهذا ال il va citer une chose, il va se poser une question هذا المنحرف. قال فلماذا صار اليوم كتاب الإبانة مقدسا طار به الكثير فرحا وما الفرق بينه وبين كتاب السراج الوهاج. Il dit لماذا ils ont répliqué sur Siraj al-Wahhaj de Abu al-Hasan et الآن كتاب الإبانة il est sorti et il le propage alors que c'est la même chose. قد يقول قائل c'est pas la même chose. الآن نحن في étape par étape. طيب الآن on va n'empêcher est-ce que c'est la même chose ام لا. Si c'est la même chose t'as pas le droit de te contredire. Si c'est pas la même chose, طيب, tu nous démontres. لكن المشكلة c'est que celui que vous suivez aveuglément Cheikh Rabi' il a démontré que c'est la même chose. Avant la parole de Cheikh Rabi' ça n'a pas كلام ستتعجبون. والله بعضهم يدزل حجوري, ses suiveurs ils disent que Kitab al-Iman c'est le même, c'est des injustes. Cheikh al-Iman c'est un savant, c'est que ils ont tous fait croire un homme c'est différent. Cheikh Rabi' du jour au lendemain il a propagé sa célèbre parole, Cheikh al-Iman akhta'a في موافقته لأصول الحلبي. Cheikh l'imam il est en erreur, il est en accord avec les fondements, c'est des fondements de Ali al-Halabi et ça implique de Abu al-Hassan etc. On n'a plus jamais entendu une parole. لماذا cette contradiction, allez où cette défense, tous ces mashayikh qu'ils ont fait le muqaddimah ça implique quoi? Ça implique une chose grave l'an que Cheikh l'imam il ne connaît pas le manhaj salafi comme il se doit. Il a fait un livre de manhaj, il est en accord avec le mubtadi'a, ça montre qu'il n'a pas la capacité réelle. Des savants ils ont montré هذا Cheikh Yahya, Cheikh Rabi'a خاصةً Cheikh Yahya au départ. Ça montre كذلك que tous ceux qui ont fait la muqaddimah ils n'ont pas vu ces erreurs et ils n'ont pas vu ces fondements. Comment ils vont enseigner le manhaj salafi, eux-mêmes ils ne connaissent pas les fondements, des fondements qui coïncident avec Ahl al-Bid'a ils n'ont pas remarqué. Comment on fait كذلك ça implique une autre chose qu'on verra demain. Anna Cheikh Yahya avait raison. Premier jour Cheikh Yahya il a rendu ceux qui ont lu les paroles dans certains forums de Ha'ula, Atta'an Shadid, Cheikh Yahya et ses élèves. Alors, c'est des kadab, ils ont du roulou. Cheikh Rabi', Allah Alam, 1431 livre est sorti. Cheikh Rabi' il a parlé en 1433, ou 1434. Non, 3 ans après. Cheikh Rabi' il dit Al-Kitab, il wafiq al-Usul al-Halabi. Bel, dans l'assise qu'on verra, il a dit Yulra al-Kitab. Le Kitab, il doit être annulé. Il revient dessus, il l'annule, on ne le propage plus. Hein. Est-ce que tu vas annuler un kitab qui appelle au manhaj salafi? Tu n'as pas le droit. Tu annules un kitab et tu interdis de le propager, c'est un kitab qui appelle au dhalal. Tout ça, Cheikh Yahya et ses élèves l'ont dit. Les madames, vous n'avez pas accepté le haq au départ. On conclut ce vers كذلك. Il faut savoir une chose, ya jama'a, anna cette fitna elle est fondée sur deux choses. Elle est fondée sur Kitab al-Ibana, qu'on va voir, et elle est fondée sur toute l'histoire avec Cheikh Ubayd. Cheikh Ubayd, on a vu que le haqq, khasatan al-jami'a al-islamiyya, c'est ça qui a provoqué la fitna akthar. On a vu que le haqq wadih il est avec Cheikh Yahya dans cette mas'ala. Et eux ils le savent au fond d'eux. Celui qui a dit saf, ils le savent très bien, l'affaire de Jami'a c'était wadih. Deuxième chose, Kitab al-Ibana. Pendant des années, ils ont fait croire aux gens que c'est un kitab tayyib, un Cheikh Yahya, l'exagération. À la fin, on se rend compte que Cheikh Yahya a raison. Ils ne peuvent pas le dire. La parole de Cheikh Rabi'a, elle implique que Cheikh Yahya a raison. Mais la chèque. Qui c'est qui a montré que l'Ibana c'est un livre d'égarement à part Cheikh Yahya? Personne. Donc, ils l'ont tous critiqué. Cheikh Rabi'a, il dit le kitab, ça, il a des fondements comme les fondements de Halabi. Et le Halabi, c'est un égaré. Cheikh Rabi'a lui-même, il a répondu. Donc, c'est Cheikh Yahya qui avait raison. Donc, sur les deux points, Cheikh Yahya a raison. Ça te montre que la fitna est واضحة. Lakin pourquoi بعض الناس ne démontrent pas que Cheikh Yahya a raison, que le sawab est avec lui, et que ça va démontrer que dans toute la fitna il a haqq. Et ça va faire du mal à beaucoup de personnes. Lakin يوم القيامة, il n'y a pas de sentiment. يوم القيامة, الحكم c'est عند الله سبحانه وتعالى. Et يوم القيامة, Fulan il est blessé ou il n'accepte pas, ça ne change rien du tout. Ma fille de dunya, il y a de la mujamala. بعض الناس يمنع بعض الناس يكاش دي شوز أما يوم القيامة ما في من هذا فلهذا ننصح الإخوان أتشفوا أكخشفوا حق لا تبالي شو كي بيبارلي تركوا يبارل يبارلون dans tous les cas بعض الناس tant que t'es pas avec eux تركهم يتكلمون سوا avec الحق et دائما pense يوم القيامة ton موقف لأن c'est des مسائل de din مسائل de din الآن par rapport à l'Ibana ils ont critiqué Cheikh Yahya et des milliers de طلاب طعم شديد فلا تبالي t'es à la حق. Et Inch'Allah, ça c'était une brève muqaddima. Et demain, on continue les étapes. Et Inch'Allah, vous verrez que c'est wa'adih. Et c'est un des points essentiels dans le fitna. Si t'as compris, hada, khalas. Tu sais, c'est une défense là. C'est un livre, c'était pour défendre Abdurrahman. Si la défense elle est mauvaise, ma balouk l'accusé. Si la défense elle est mauvaise. Et l'ajib, dans cette défense, ils ont tout fait pour mettre le nom de Cheikh Rabi'a. Vous allez voir, Cheikh Rabi'a n'était pas d'accord au départ. On va voir l'histoire en détail. Ils ont tout fait. Il y a eu le nom de Cheikh Rabi'a. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Ça montre qu'il a joué fitine, ça ne marche pas. Celui, son nom, il est en gros sur le livre. En premier, lui-même, il montre que le kitab, il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec tout ça, attends, il y a une tawba, le livre, il est arrêté. Il est propagé jusqu'à aujourd'hui. Lakin al-ajib, c'est que personne ne dit rien. Amma Ali al-Halabi, ils ont fait la guerre. Ali Halabi a eu une guerre par rapport à son livre. Bah, ils n'ont plus dormi, خلاص, des redoutes tous les jours. Kitab al-Ibana ou la kalam l'Imana. L'Imana. Et ça, c'est une contradiction ajiba. Hatta ahl al-Batil, ashab Ali Halabi, ashab Ibn Hassan, et yata'anou fi al-Haq par rapport à ça. Lakin, nous, alhamdulillah, on a la bonne position, là, non, on ne s'est pas contredit. Le premier jour, on a vu et on a dit, alhamdulillah, il n'y a pas de contradiction. Mais ceux qui se contredisent, ils sont fi haraj. Et pour sortir de ce haraj, il faut tawba et démontrer le haq. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع et demain بإذن الله on essaie de finir ce point. L'Ibana c'est court الآن. Si on a compris cette muqaddima, on étudiera en détail la contradiction. C'est ça le but de notre dars. Et نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.